L'émission de musique sous licence libre. Oui, donc, émission commune oreille, excusez-nous, ça va être un petit peu compliqué aujourd'hui parce que c'est une nouvelle configuration. Nous sommes non pas deux animateurs de cette émission commune oreille, musique sur licence libre, mais quatre aujourd'hui puisque nous avons Philémon et Nati avec nous. À la sélection de musique avec Florian et moi-même, Jean-Baptiste. Et la thématique du mois, c'est des musiques pour enfants faites par des enfants, avec des enfants. Donc une thématique qui a été un petit peu difficile à trouver. Il a fallu trouver, mais on a trouvé des choses très très intéressantes quand même. Et on va commencer par un morceau qui s'appelle L'Inondation, qui est composé par un compositeur de Nancy qui s'appelle Tycho Brahe, qui fait beaucoup de chansons françaises et qui l'a fait une composition avec un enfant qui raconte une histoire, une composition électronique faite de field recording. Et ensuite on va enchaîner avec un autre compositeur de musique qui fait d'habitude de la chanson française mais qui l'a fait de la musique électronique, une sorte d'ambiante électro-ambiante qui s'appelle Aleph, et le morceau s'appelle La Balade des Enfants. Et on revient tout de suite après. Un écho dans un coquillage. Le niveau de la rivière qui monte. Un poisson qui sort de l'eau. Les chevaux ont été changés de prix. La surface de l'eau est plate comme un miroir. La cave est inondée. La rivière est partie doucement. Les racines des arbres s'enfoncent pour explorer le sol. Là-bas, une barque dans la brade de la rivière. Trees against the sky, fields of plenty, rivers to the sea. This and more spread before me. Alors voilà, vous venez d'entendre, comme l'a dit Jean-Baptiste, Tycho Brahe avec L'Inondation. Et là, à l'instant, c'était Aleph avec la chanson La Balade des Enfants qu'on a trouvée avec Nati. Aleph, c'est musicien qui a fait 6 albums pendant 12 ans. Et voilà, on n'a pas énormément de choses sur lui. En tout cas, il a fait de l'enregistrement, ce qu'on appelle à la maison, en home studio. Et il a écrit Cassa et Oxymore et Coxygru. Et voilà, et en tout cas, on trouve un petit peu d'informations et un site internet qui s'appelle Label au bois. Label comme les labels de disques, labelaubois.fr. Et on l'a trouvé sur le site Jamendo, qui est un de nos sites référence pour trouver des musiques, qu'on rappelle musique autour et faites par des enfants ou des mineurs le long de cette émission. Voilà, jamendo.com pour le site. Et après, on va écouter du coup la chorale Appel d'air, touche pas à mon arbre. C'est une chorale d'enfants qui s'appelle Appel d'air et qui a été créée en 2005 et qui regroupe 15 jeunes de 9 à 15 ans qui chantent sur le thème de l'environnement. Et qui mêle du rock, du blues, du funk pour faire prendre conscience que notre terre est fragile et que nous n'en avons qu'une. Ça, c'est leur pitch. Ils sont du côté de Valenciennes et c'est un peu les popistes du 21e siècle et qui pourraient détrôner Kids United. Et c'est un super morceau, non ? Oui. Et juste avant, on va écouter B.G. Block. B.G. Block, qui est une chanteuse R&B soul de Vancouver au Canada. Et c'est tiré d'un album qui s'appelle The Land of Make Believe, sorti en 2011. Et le morceau s'appelle You Happy. Et toi, Philémon, c'est toi qui l'as trouvé, Coral, l'appel d'air ? Oui, c'est moi qui l'ai trouvé et je l'ai appris hier. Et maintenant, je trouve que c'est super bien ce morceau. J'adore en tout cas. Ouais. Tu vas peut-être nous la chanter en direct ? Non. Ah non, alors plus. À toi, Nati. 1, 2, 3, 4. You happy? This télé pour pouvoir nous évader. Dans les rues, la pollution nous oblige à faire attention. On veut seulement respirer en paix, alors les chantiers du balai. Et on ne pourra plus jouer. On veut pas être enfermé et rester les bras croisés. La nature a besoin d'aide et il faut que l'on s'entraide. Arrêtez vos machines rouillées et venez nous écouter. C'est pas parce qu'on est des enfants qu'on peut pas le dire aux grands. Et toi, touche pas à mon arbre, tu le regretteras. Et toi, touche pas à mon arbre, il se pendra. Et toi, touche pas à mon arbre. Là, donc on a bien écouté Touche pas à mon arbre de la chorale Appel d'air. Et juste avant, c'était You Happy de BG Block qui venait du Canada. Et là, cette toute petite virgule, c'était The Ant Marching Band. Donc le groupe de la marche des fourmis, alors c'est pas des enfants là qui le font, mais c'est Dave Gertzman. Assez peu d'informations vraiment compréhensibles sur cet homme-là. Si ce n'est qu'il vient de Californie et que c'est un activiste d'un label qui s'appelle Kazoomzoom, qui est un label spécialisé dans les musiques pour enfants, en musique sous licence libre. Puisque je rappelle que c'est l'émission Commune Oreille, c'est uniquement des musiques qui sont diffusées sous licence libre. Et donc voilà, il est de Californie et c'est une chouette virgule. On va écouter là maintenant deux morceaux plutôt calmes. Un premier qui s'appelle Snow is Falling. Par deux enfants qui sont très jeunes. Ça a été enregistré en 2015 et d'après la photo, ils ont plutôt dans les 4-5 ans. Une sœur et un frère, Georgia et Auguste, ils viennent de Chicago. Et donc ils ont enregistré ça avec leur papa. Snow is falling. Et dans la foulée, on va écouter un morceau issu d'une collection de comptines qui est réalisée par la tribu des Bunong dans la province du Mondul Kiri au Cambodge. Et donc c'est une petite comptine chantée par des mamans. Alors, les bébés évidemment ne chantent pas dedans, mais c'est très bien. Et c'est des duos a cappella de voix féminine. Et les Bunong, donc l'enregistrement qu'on a vu, il y a cette description. Les Bunong militent pour la préservation de leur culture et tradition, comme en témoigne cet enregistrement réalisé par leurs soins. Et celui-ci recense l'intégralité de leur chant traditionnel. Donc il y a toute une série de compilations de musique des Bunong, donc au Cambodge. Et c'est chanté dans une langue qui leur est propre, qui n'est pas le cambodgien. Et on va se laisser bercer par ces vocalises douces et naïves. Ouais, c'est vraiment magnifique. Hein. Et en tout cas, Philemon et Nati, si vous voulez dire des choses, n'hésitez pas, hein, on a les micros. Mais en tout cas, moi, c'est comptine, là, même si c'est pas fait par des enfants, comme tu dis. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment touchant, quoi. Issu de, comme tu disais, de langues indigènes cambodgiennes. Et qui sont voilà, mis en libre écoute dans une version populaire. Et ben, en tout cas, elles sont super douces, ces musiques. Ben, moi, je les ai trouvées qu'elles berçaient bien pour quand on... avant de s'endormir, ça berce bien, en tout cas. Et après, voilà. Bon, on va les écouter. On les écoute. À toi, Nati. The snow is falling. Con anh ơi, ơi con anh ơi, chán từ con, ơi con anh ơi, chán từ con, chạp lại đóng bông, tầm chỗ pal pal, ơi con anh ơi, ơi con anh ơi, na bằng lòng khánh búng bằng chán pal. Nar pang plang khanh bung pang chan par tom chok pal pal ka leung gin chai oi kon aing oi oi kon aing oi kon aing oi chan tu kong oi kon aing oi chan tu kong Cha plai dong bong tom chok pal pal oi kon aing oi oi kon aing oi nar pang plang khanh bung pang chan par nar pang plang khanh bung pang chan par tom chok pal pal ka leung gin chai oi kon aing oi oi kon aing oi. Et ben là, on va écouter un morceau que j'ai composé avec mon petit frère qui s'appelle Basile. Et en fait, ce morceau-là, c'était mon papa qui enregistrait. Et mon petit frère et moi, on faisait tout le reste. Et du coup, tu veux nous présenter un peu la chanson ou tu nous diras après ? On l'écoute avant ? Je vous dirai après. D'accord, super. Alors Nati, tu peux nous lancer les Panthères Noires ? C'est comme ça que ça s'appelle, hein, la oui. Panthère noire. Et dans un terroir Bah, c'était bien, c'est quoi l'histoire? C'est une panthère noire, un jouet qui vivait dans le placard. Et elle est dans un tiroir, il y a plein de voitures qui lui arrivent, elle se fait kidnapper et tout. Par le camembert. Et le chef des camemberts, Baba, là, il l'interrompt et tout. Et la panthère noire, elle se fait prendre par les radars. Du coup, elle est arrêtée par la police, elle a plein de trucs. Et il arrive plein d'aventures. Et en fait, les jouets, c'est comme des montagnes. Les livres, c'est des montagnes. Et voilà, et tout, c'est trop bien. Des vallées. Ouais, voilà. Des aventures. Bah alors là, en fait, pour ce morceau-là, d'abord, on a choisi un personnage, ce qui est une panthère noire. Après, on a écrit la chanson avec des rimes. On a cherché des rimes qui allaient avec la première phrase du début. Puis, on a choisi les instruments qu'on aimait bien, par exemple, batterie, synthé, ukulélé, percussion, et après c'est bon. Et après en fait on a fait beaucoup de tests pour voir si en fait, parce que c'est moi qui chante, et du coup pour voir si ma voix elle va bien avec les instruments. Et mon petit frère il fait l'écho au début. Tu parlais du ukulélé, qui est un instrument qui est un peu connu, mais pas forcément. Toi, t'en joues? Tu peux nous expliquer ce que c'est? En fait, c'est mon papa qui en joue, c'est pas moi. Mais quand même, je connais, c'est une espèce de petite guitare avec 4 cordes seulement. Et voilà. Et après, je sais plus. Super, merci pour tes explications. Ouais, c'était super. Et en fait, du coup, cette idée-là de faire un atelier du mercredi après-midi avec les enfants, hein, c'est venu de... Je l'ai pompé à un atelier qui s'appelle l'atelier Rock et Animaux, dont on va écouter des extraits là, dans la foulée, qui est un atelier qui a été mené par un groupe parisien, les deux musiciens du groupe rock qui s'appelle le Club des Chats, ils ont mené un atelier avec des enfants pendant 10 ans. Atelier itinérant dans différentes écoles, des centres aérés, des choses comme ça. Et le protocole, c'était 3 heures d'atelier pour des groupes de 10 enfants, où pendant ces 3 heures d'atelier, ils faisaient l'écriture des textes, alors autour des thèmes animaliers, parce que c'est plutôt fédérateur pour les enfants, l'invention d'un nom de scène, d'un nom d'artiste, la création d'un badge qui correspond avec une machine à badge qu'ils avaient, la réalisation de la pochette, et l'enregistrement de la chanson dans le studio d'enregistrement qui était équipé de batterie, de guitare, de synthé, de micro, etc. Et à la fin, le pressage du disque. Donc, un truc assez énorme. Alors nous, on n'a pas pressé le disque, mais... Eh ben, c'est rigolo parce qu'il y a plein de personnes qui... plein d'enfants, et en fait, elles sont plus ou moins dans le rythme, ça dépend des chansons. Et ça dépend aussi la voix, si c'est en anglais ou en français. Et oui, parce qu'ils ont même fait des ateliers en Angleterre, effectivement. Et oui, du coup, le résultat, ça a donné quand même 4000 morceaux. Hein, 4000 morceaux sur 10 ans enregistrés. Et au mois de juin 2017, là, il y a tout juste un mois, ils ont sorti le florilège, un florilège de 50 morceaux, de ces morceaux enregistrés avec les enfants sur un disque vinyle. Et c'est édité par le label du groupe qui s'appelle Le Vilain Chien et qui diffuse toute sa musique sous licence libre, sous Creative Commons. Et le résultat, bah, ça donne des morceaux plutôt bruts, hein, non conventionnels, qui flirtent pas mal avec la poésie dada, le brutisme et le free jazz. Mais bon, tout ça, ce sont des références adultes et les enfants, peu importe. Et je tenais à remercier Marine qui m'a fait découvrir ça pile au moment où je cherchais des morceaux enregistrés avec des enfants sous licence libre. Ça tombe bien. C'est super en tout cas d'avoir la description de comment on crée un atelier ou ce que vous avez fait avec la panthère noire avant. Et puis pour rappel quand même toujours ce focus de où on peut trouver ces musiques en libre droit. Ce qui est fait par les ateliers là qu'on va écouter de Roquet Animaux, et puis aussi les comptines, je reviens un peu en arrière, de Benong et Lulabiz, on les a trouvées sur le site Bandcamp, bandcamp.com, et si vous, après vous pouvez faire des recherches thématiques ou par artiste, et les deux sont en écoute, en tout cas, libre sur ce site. Tout n'est pas en libre diffusion, mais celle-là, en tout cas, si. Voilà. Et du on coup, y va? Ouais, on y va. On va écouter combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 morceaux à la suite, donc à chaque fois autour d'un animal. On a le dauphin et le perroquet. Cats are great. Et le premier, c'est comment, Philemon? Le premier, c'est bien. C'est Louis City qui pisse. C'est ça. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Le Ouistiti qui pisse, le Ouistiti qui pisse, il n'a pas d'amis car il lui pisse en plein dans la tête de ses amis. Le Ouistiti qui pisse, car quand il rit, il pisse dans sa culotte. Le Ouistiti qui pisse, il est bien malheureux car il pisse tout. Il pisse sur tout le monde, même sur sa femme. Le Ouistiti qui pisse, il n'a pas dormi de la nuit, car il fait pipi tout le temps. Le Ouistiti qui pisse. Moi j'aime bien les dauphins. Moi j'aime pas les dauphins. Moi j'aime bien les dauphins. Moi j'aime pas les dauphins. Moi j'aime bien les dauphins. Moi j'aime pas les dauphins. Le perroquet dans une cage, le dauphin dans l'eau. Le dauphin est bleu, le perroquet est toutes les couleurs. Et bleu, le perroquet est toutes les couleurs. Cats are great, they're soft, and fluffy, they eat mice. I have a cat, his name is Bats, he likes mice, but he hates rats. Cats are great, they're nice, they're soft and fluffy, they eat mice, they have a cat, his name is Bats, he likes mice, but he hates rats. La vie, oh yeah, c'est bien. Allez, top, le dragon qui fait des pieds, mais le dragon qui fait des pieds, à la vache fait un parfum. L'aléma elle a acheté une paire de menettes. Trop drôle, quand elle veut, quand elle veut le parfum du dragon. Petit comme une dent, rentrait de Paris avec un parapluie. Bravo. Et du coup, le dernier, là, il était en duo direct au verre de B par Philémon. Et donc, on a écouté une sélection de ces ateliers, ces rendus d'ateliers avec des enfants qui ont été menés par 10 ans, pendant 10 ans par le groupe Le Club des Chats, les ateliers Rock et Animaux. Et par rapport à ces expérimentations, ces ateliers avec des enfants, on va écouter deux autres morceaux qui sont tirés d'une expérience un peu similaire là, que tu as trouvé, Florian, du coup, sur Internet. Tu nous en parles ? Ouais, je vais vous en parler. Ouais. On est dans les expérimentations sonores d'atelier. C'est vraiment assez surprenant et chouette de voir ce que peuvent créer des enfants comme des adultes. Mais là, en l'occurrence... Des enfants. Je ne sais pas si, Félimon, tu voulais nous redire quelque chose, sachant oui. que tu en as accompagné quelques-unes là, de l'atelier oui. Arrêt Animaux. Ben, je voulais vous dire que la plupart des musiques rock et animaux, eh ben, elles ont des sons électroniques. Il y a beaucoup d'électro. Ouais. Du rock aussi, non ? Ben, oui, il y a du rock aussi, mais aussi des chansons sans instruments. Comme un petit chat blanc. D'accord. Et donc du coup, là, on enchaîne avec donc une autre expérimentation. Ouais, deux expérimentations des enfants de l'école de Hinguin-les-Bains, du centre des arts, du centre de loisirs. Il y aura une première chanson pom-pom qui dure un tout petit temps. Et après, la chanson pop. Et en fait, ça a été fait en 2016. J'y reviendrai après, mais avec Anthony Cayeux, qui est un illustrateur sonore. Et il fait aussi des ateliers avec les enfants d'expérimentation. Alors, je vous laisse découvrir, pareil, Oreilles averties et expérimentation en tout genre. Et pareil, vous pouvez aussi les trouver sur le site Bandcamp en Creative Commons, en licence libre. Voilà, ben on les écoute, les enfants du centre de loisirs, avec Pom Pom et Pop. Nati, tu nous les envoies ? Promenons-nous dans les bois, ce qui est normalement une chanson douce. Ben, celle-là est pas du tout pareille. Elle fait très peur, surtout je vous conseille à la fin de... Enfin, d'écouter bien, ça fait très très peur. Donc ouais, on va enchaîner avec une création sonore, promenons-nous dans les bois. Je voulais juste revenir avant, comme je vous avais dit, sur cette expérimentation musicale avec les enfants du centre de loisirs de Éguin-les-Bains. Donc c'était suivi par Anthony Cailleux. Et pour lui dire, il a un site que vous pouvez retrouver aussi, anthonycailleux.com. Et il reprend, on nous dit, des techniques populaires qui étaient dans les années 50. Il crée des ateliers basés sur la sonorisation d'objets. Là, vous avez entendu quelques-uns. Après, il y en a des plus longues de 4 minutes, dont une que je vous conseille aussi qui s'appelle Big Bazaar, où l'idée, c'est de faire de la création musicale et sonore en sonorisant des objets, entre autres des instruments de musique, mais aussi des jouets et des supports d'enregistrement aussi qui peuvent être le disque vinyle. Voilà, et là, les participants s'inspirent, ils disent, ils peuvent faire des groupes donc multiples à plusieurs voix, plusieurs sonorités. Voilà, et que les participants sont invités à porter les différents objets, comme je vous dis, jouets, ça va même jusqu'au téléphone portable. Et au cours de l'atelier, ben, y a un album qui est élaboré à partir de ces quelques-unes de ces expérimentations sous vinyle, et là vous pouvez trouver, encore une fois je vous le redis, sur le site bandcamp.com, vous cherchez expérimentation musicale et Anthony Cailleux. Voilà pour la petite histoire. Pas sur vinyle, sur CD. Vinyle, c'est pas facile à presser. Ouais, mais lui, en tout, je voulais dire, sur certains de ses ateliers, il utilise aussi le support vinyle. D'accord. Mais là, on l'a en tout cas sous forme numérique, sur le Bandcamp. Et donc du coup, comme Philemon disait, là, on va écouter une création sonore là, qui s'appelle « Promenons-nous dans les bois », une chanson, une comptine pour enfants bien, bien connue. C'est une création de Jérôme Jolot, qui est en fait plasticien essentiellement, et qui fait aussi beaucoup de chansons. En fait, il a notamment fait un album qui s'appelle « Enfantine », et qui reprend toutes les chansons populaires pour enfants qu'on puisse connaître, qui est assez inégal, mais là, cette création sonore, elle est particulièrement réussie, avec une pointe d'angoisse à la fin, comme le soulignait Philemon. Voilà, Jérôme Jolot, promenons-nous dans les bois. Tu nous l'envoies, Nati ? Que fais-tu? Je me réveille. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Où y es-tu? Oui. M'entends-tu? Oui. Que fais-tu? Je mets ma culotte rose. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il mangerait. Mais comme il n'y est pas, il ne mangera pas. Oui. Oui. Je mets mon dentier. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il mangerait. Mais si le loup y est pas, il mangerait pas. Où y es-tu? pas gentil. Maman? Papa? Pendant que je jouais pas, que je jouais que au Mario, que je jouais pas, au Mario pas. Où es-tu? Entends-tu? Que t'es-tu? J'arrive. Papa? Là, c'était un morceau de Snow Monster. Snow Monster, c'est le groupe qui est dont le leader s'appelle Mabel et qui joue avec son frère Oscar et son papa Dustin. Et ils viennent du Kentucky aux USA et donc ils ont enregistré plusieurs albums en fait. Hein, ils sont assez productifs. Avec notamment d'autres membres qui s'appelaient Mr. Robot, enfin bon, les jouets, tout ça. Voilà, c'était un petit album électronique et ça s'appelait Snow, donc c'était Snow Monster et le morceau s'appelait The Last Unicorn, la dernière licorne. Et là, Philemon, on enchaîne sur quoi? On enchaîne sur Stark Effect. Pardon, Philemon, je te laisse la parole après. Je voulais juste revenir sur ce qu'on a écouté avant, une très belle création sonore de Promenons-nous dans les bois, musicale, mais là, vraiment avec aussi un boulot de bruitage assez intéressant. Et ça a été fait par Jérôme Lolo, entre autres, je pense aussi accompagné. Et... Jérôme Lolo et cette chanson qu'on a trouvée sur Jamendo.com. Et voilà, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire. Vous le trouvez sur ce site là et que voilà, il n'y a pas plus de choses sur leur travail. C'est une chanson qui a été faite en 2010. Donc finalement, tu nous présentes ce qu'on écoute après. Alors Hipples Beanies, on va écouter Hipples Beanies, et le groupe s'appelle Stark Effect. C'est de la musique électronique. Non, Et ben là, on va écouter Miss Emma. Son papa joue de la musique avec un groupe. Du coup, son papa, avec son groupe, font la musique et Miss Emma chante. Et elle est bien dans le rythme du groupe, moi je trouve. Et j'ai été absorbée par une de ses musiques. C'est pour ça que j'aime bien maintenant ses musiques. Et cette musique, elle s'appelait « Des poissons, des oiseaux ». Et celle-là, elle s'appelait comment ? Celle-là, elle s'appelait « Non, je n'ai pas peur ». Et maintenant, on va écouter... Nati, on écoute laquelle ? Une autre de Miss Emma, parce qu'on aime bien Miss Emma. Tu veux pas le dire ? C'est un choix, en tout cas, de Nati aussi. Elle s'appelle « Comme un pop-corn dans une marmite ». Tu l'aimes bien aussi ? Ouais, moi je l'aime bien. Au début. Mais j'aime bien aussi une qu'on va pas passer, qui s'appelle... Mon arbre généalogique. Ah ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Et pour dire, on a déjà passé Miss Emma quelques fois dans Comme une oreille. On vous la conseille vraiment. Entre autres, une glace au citron. Voilà, c'est vraiment une glace au citron. Que c'est bon. C'est ça. Et ben c'est parti, Nati. À toi. On vient d'écouter, excusez-nous, le petit cafouillage. On vient d'écouter Miss Emma, donc deux morceaux de Miss Emma, puisqu'on aime beaucoup Miss Emma. Et on arrive à la fin de cette émission, comme une oreille, à quatre avec les enfants, et sur des musiques enregistrées avec des enfants. Donc là, on va écouter un vieux morceau qui date de 1959, qui est assez connu, en fait, qui est un duo entre le musicien assez populaire de musique country, Jim Reeves, qui a enregistré donc en 1959 But You Love Me Daddy, et ça a été un gros tube commercial ensuite aux États-Unis et en Angleterre, et ça a été enregistré par l'autre guitariste country assez connu aussi qui s'appelle Chet Atkins, et le duo était avec Robert Stevie Moore, qui est un musicien, chanteur, compositeur américain, qui est originaire de Nashville, et qui est une sorte de légende du rock lofi, le rock de mauvaise qualité, et le rock presque enfantin, on va dire. Et lui, du coup, depuis 1968, depuis qu'il est adulte, et il a enregistré et autoproduit près de 400 albums. Sur cassette, puis ensuite CD, et puis maintenant en ligne. Et donc là, c'est son premier enregistrement et premier succès commercial. Après, il n'en a plus eu des succès commerciaux, mais ça date de 1959 et il avait 7 ans à ce moment-là. Voilà, on écoute Robert Stevie Moore, But You Love Me Daddy. Ouvrez grand vos oreilles. A dirty disgrace, but you love me, Daddy. You scatter your toys and you make too much noise, but you love me, Daddy. You know, little lad, you can be pretty bad, but you love me, Daddy. You wake me at dawn when I sleep on, but you love me, Daddy. Now you eat the cookies when I tell you no, but you love me, Daddy, 'cause you tell me so. You're so hard to scold, 'cause you're my 5-year-old. Pup. But you love me, Daddy. When I use the phone, you won't leave me alone, but you love me, Daddy. You make sister wail, pulling her ponytail, but you love me, Daddy. You scratch up the floor and you write on the door, true. But you love me, Daddy, now you know you do. You're so hard to scold, 'cause you're my 5-year-old. Découvrez l'inondation. Après de Aleph, la balade des enfants. Après de BG Block and Dell, Pemberton. You happy? Après, touche pas mon arbre. Après, marching band. Après, snow is falling. Après, les cartes postales sonores. Les comptines, c'était les comptines cambodgiennes, ouais. Et après, la chanson que j'ai composée avec mon petit frère, qui s'appelle La Panthère Noire. Et après, on écoutait les 9 chansons Rock et Animaux, Atelier Rock et Animaux. Après, c'était l'atelier Les Enfants du Centre de Loisirs, avec... Jérôme Lolo, promenons-nous dans les bois. Après, c'était The Last Unicorn de... Non, Snow Monster de The Last Unicorn. Après, c'était Stark Effect de Hippos and Beninis. Après, les deux de Missema, Non, je n'ai pas peur, et Comme un popcorn dans une marmite. Et on a fini avec Stevie Moore, But You Love Me, Daddy. Voilà, merci à Philémon, Nati, Jean-Baptiste. Voilà, c'était Comme une oreille, juillet 2017, musique spéciale enfant. Merci à tous, et puis on se retrouve le mois prochain. Merci, au revoir. Ensuite sur les ondes de Radio Zinzine. Une émission de musique sous licence libre.